Il y a longtemps que je t'aime, il y a longtemps que je t'ai perdu. Depuis j'ai eu tant de peine que tu m'as pas connu. Chez toi.